Monsieur Pigeon. Oui, Daredi. Il y a quelqu'un qui m'en veut voir. Qui est-ce? Votre nom déjà, monsieur? Ludwig van Beethoven. Une vieille femme qui pète au vent. Beethoven, mais faites-le entrer, bordel. Vous entrez, bordel. Ah, bonjour, monsieur Beethoven. Vous me reconnaissez? Si je vous reconnais, un homme de si grand talent. Et de si grands talents. Mais vous devriez être mort. Qui me prouve que vous êtes le véritable Beethoven? J'ai fait vous jouer une sonate. Ah, allez-y, tiens, jouez-moi une sonate. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sonate de porte en mi majeur. Génial. Nous sommes entourés de musique, vous savez. Vous croyez? Vous entendez sonnerie téléphone? Oui. Deux notes, sol et mi bémol. Génial. Et si vous allumez téléviseur, vous allez entendre un si. Si? Et quelle autre note? Non, si, seulement si. Et les objectifs du gouvernement seront atteints si et seulement si. Génial. Ouvrez fenêtre et écoutez sirène de voiture de police inspirée d'une de mes compositions. Génial. Et vous êtes impresario? Oui, mais disons que je fais plutôt dans le ringard. C'est-à-dire? Ben, c'est génial? Non, c'est Jérôme. Et qui d'autre? Ah ben, il y a MC Solar qui... Thank you.